mec qui rame derrière. Tu es presque quatrième à vide. 4, 7, 4, 5, 7. Et après, tu changes de corde. Et tu fais 5, 5, 5, 7, 8. 5, 7, 8, 5, 7. Sur la corde mi, tu fais 4, 5, 7. Sur la corde la, tu fais 5, 7, 8, 5, 7. Faut que tu mettes la paume de la main sur les cordes. Faut pas que les cordes sonnent. Quand tu prends de la disto, moi j'utilise pas de disto, mais là, il faut que tu aies de la disto. Si tu veux, le son, là, ça fait du buzz, ça foire. Si tu étouffes les cordes avec la paume de la main, t'as que les attaques et les notes, la bonne durée de notes. Ah, c'est toute une technique. Ouais, ça, c'est ça. Voilà, ce que j'entends, c'est ça qu'il faut faire. Faut être très rythmique sur les riffs. Voilà. Tu vois, faut calmer la disto, parce que sinon la disto abave entre toutes les notes et on n'entend pas ce que tu joues. Bon, je sais pas si tu te sers du petit doigt, mais moi je me sers des 4 doigts, hein, donc un doigt par 15. Hein, donc... Non, c'est bon là ce que tu fais. Ah oui. Avec le petit doigt, c'est vrai. Ouais, faut que tu mettes un doigt par 15, c'est mieux, mais bon, après c'est du travail. Hein. Moi le petit doigt il travaille autant que les autres doigts. Tu pars avec l'index en bas. Index majeur annulaire pour le premier, et après pour le deuxième coup, c'est index annulaire auriculaire. Bon, le cours de musique, c'est 10 euros de... C'est bien, ce riff, s'il est fait parfaitement, si la disto baffe pas, c'est super riff bien rythmique. Et quand tu fais sonner sur la corde mi à vide, Quand tu fais sonner sur la corde mi à vide, il faut avoir toujours la paume de la main sur le cordier, sur le chevalet, de façon que ça résonne pas. T'entends, les cordes ne résonnent pas, je les laisse pas sonner, toi, elles sont complètement étouffées. Voilà. Mais la disto, moi, j'utilise pas, ça bave trop, toi. Tu sais, quand tu joues vite, la disto, c'est pas bon. Vaut mieux l'overdrive. Moi, j'utilise plutôt l'overdrive ou la saturation de l'ampli. J'aime bien entendre les notes et surtout, voilà, quand tu fais les arpèges, tu sais, normalement, entre chaque note, tu dois avoir un micro-silence. Il faut respecter le micro-silence. Avec la disto, tu ne l'as pas, donc ça bave, tu n'entends pas les notes, tu n'entends pas les attaques. C'est pour ça qu'il faut, quand je fais des arpèges, des sweeps comme ça, j'ai toujours la paume de la main sur le chevalet pour empêcher les cordes de résonner. Donc ça fait un peu staccato, mais le côté staccato, ça fait rythmique et puis ça embellit les notes, surtout quand tu joues vite. Bon, c'est juste un petit truc, hein. Je te fais grâce des 10 euros de l'heure, là. Je sais que tu as besoin de 10 euros pour te chauffer à Clermont-Ferrand, il fait moins 10, là. Opéré par PayPal.